kiss me, do you? Cool. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est une nouvelle saga des Fab Four enregistrée, la 482C, c'est pour couvre-feu, c'est le home recording numéro 23, et le jour où vous ouvrez ce podcast, j'espère, puisque je suis réduit à la faire en podcast cette émission, tant qu'on n'a pas le droit d'aller à la radio à cause du couvre-feu, eh bien on devrait être le 3 février 2021. Aujourd'hui c'est un live Fab Four. Donc les Beatles en live. Le dernier, là, nous sommes à la 482, le dernier Live 4, c'était la saga numéro 470. Et si on remonte avant, alors là, ça commence à aller très loin, puisque c'était la 441. Vous voyez, donc j'en fais pas vraiment souvent. Mais quand je peux me faire plaisir, je me fais plaisir. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Oh ben, je ne l'annonce jamais quand c'est des Live Fab Four, parce que c'est beaucoup plus amusant comme ça. Vous êtes comme si vous étiez à un concert. On va dire, pour les anciens, vous savez, vous vous rappelez, quand on allait à un concert et qu'on ne connaissait pas la setlist. Ouais, ça arrivait à l'époque. Bon, eh bien, on fait comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la setlist. Moi, je le sais, mais ça va être bien, j'espère. On imagine que les 4 Beatles sont ensemble à Bordeaux, sont tous vivants, et se sont fait plaisir en venant au stade ici à Bordeaux. C'est plus près, pour chez moi. Et tout va bien. Voilà, nous sommes dans un monde parallèle. Vous savez, le Spider-Verse et tout ça, là, les trucs Marvel. Nous sommes dans un monde parallèle où il n'y a jamais eu le Covid. Où tout le monde va bien, où John Lennon est encore là, où George Harrison a vaincu son cancer, et où tout le monde va très bien. Voilà. Si on pouvait aussi faire qu'ils soient plus jeunes, ça serait encore mieux. Mais bon, allez, on fait avec, parce qu'ils ont quand même la pêche, vous allez voir. Donc, je vous invite, et vous y êtes déjà, à commenter sur le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, pour le reste, vous verrez bien. Voilà, on va commencer en fanfare, hein, ça va. Ouais, c'est... Enfin bon, je vous dis pas. Oh, j'ai envie de vous le dire. Mais non, je vous dirai pas. En tout cas... Alors attendez, nous sommes mardi, donc il y a la saga de la semaine prochaine, enfin de cette semaine qui arrive. La saga de la semaine prochaine est enregistrée et je suis en train de faire la saga de la semaine suivante. Je suis très en avance. C'est bien, ça va me permettre de découvrir la saga après, parce que je ne m'en rappelle plus au bout d'un moment. Attention, showtime, c'est maintenant les Beatles, John, Paul, Ringo, George en concert pour vous pendant 2 heures et un poil. Showtime! Ok, here we go. Il est évident que le stade est plein à craquer. Moi, je suis dans la loge VIP, j'ai cette chance. Et donc, par quoi vont-ils commencer ce concert ? En principe, c'est toujours une chanson qui met tout le monde d'accord. Qu'est-ce que ça va être ? Et là, c'est Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, dans la saga des Fab Four. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's one.

Enfin, ils marquent une petite pause pour se présenter. Ont-ils besoin de se présenter, John, Paul, Ringo et George? En tout cas, on a commencé avec 4 Beatles dès l'entrée du show. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band avec With a Little Help from My Friends, dans laquelle Ringo Starr a poussé la note le plus haut possible avec un grand sourire de la part de Paul qui le regardait à côté. Et It Don't Come Easy. Ah oui, mais Don't Come Easy, c'est pas une chanson des Beatles, pardon. Donc, oui, bon, c'est pas grave. Don't Come Easy, il a enchaîné. Et puis Blackbird et Getting Better. Je profite du fait qu'ils sont en train de dire des choses sympathiques sur Bordeaux et sur comment tout le monde va pour vous proposer d'écouter ce qu'il faut faire pour tout savoir sur les Beatles. Il faut suivre Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Le concert reprend, redonnez-moi l'antenne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est parfait, juste à temps, bravo la régie. C'est George Harrison qui est sous le feu des projecteurs. Que va-t-il nous chanter? Ah oui, I want to tell you, on reste dans les Beatles. La saga des Fab Four numéro 482, consacrée au live Fab Four. C'est de ce soir dans la saga. stepping out this old brown shoe. Oh, baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same now, I'm telling you. You know, you picked me up from a surrounded dragon. Take a break, and you are too, and you can get a drink or something. All right? Thank you.

la saga des Fab Four que vous écoutez sur le podcast directement, puisqu'on est en mode confiné actuellement. C'est la 23e émission enregistrée à la maison. C'est la saga des Fab Four numéro 482C. C'est pour couvre-feu, tant qu'on est obligé. Là maintenant, c'est 18h. Est-ce que ça passera à 16h et puis à midi? Pourquoi pas? Puis on se lèvera plus bientôt. Bon, on verra. En tout cas, il faut battre ce fichu virus. Et j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, revenons au concert. Fabuleux quand même, ce double medley. Le premier, c'était quand même Venus and Mars, Rock Show et Jet. Et à l'instant, il y a eu Eat at Home et Smile Away. C'est du grand, grand, grand concert. J'aime beaucoup. J'espère que vous appréciez aussi. On continue le concert. Ça, c'est une petite vacherie pour John, mais c'était du temps où ils étaient un poil fâchés, donc maintenant il le faut avec sourire. C'est un bon blues. Best Friend, c'est sur RIG en temps normal, 90.7 ou www.rigfm.fr. Day and night.

save some lives. Un morceau qui passe très très bien en concert, Bangladesh, chanté par George Harrison. Il y avait également Paul McCartney à la basse, John Lennon à la rythmique, Ringo derrière les fûts, et puis Danny qui était là à la guitare acoustique. Ça se passe bien hein, ce concert, c'est vraiment très très très bien, j'espère que vous aimez. C'est la Saga des Fab Four numéro 482, le 23e enregistrement à la maison, et nous sommes aujourd'hui officiellement le 3 février 2021. Mais oui, il faut le croire toujours. Voici John Lennon, It's So Hard en live. You gotta worry, but it's all too loud for you. Cristaline. C'était George Harrison. Non, c'était Paul McCartney. Là maintenant, c'est George Harrison et Here Comes the Sun. C'est La Saga des Fab Four numéro 482. Et c'est en podcast directement. remarqué depuis trois chansons, on est revenu du côté des Beatles. Il y a eu Here Comes the Sun, Lady Madonna et à l'instant While My Guitar Jumped the Whips. Est-ce qu'ils vont continuer? Je dis oui. Ça c'est pour Lennon, c'est sûr. Et c'est Money, That's What I Want. Toujours d'actualité. La saga des Fab Four, c'est la spéciale live des Fab Four ce soir. John Lennon se fait plaisir et invite Keith Richards et Eric Clapton avec lui. Pour chanter quoi ? Your Blues. Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason.

Paul vient de dire « Je vais vous calmer un petit peu ». Ah oui, Winterbird, extrait de son dernier album. Moi

prochaine sans perdre de temps après Lover 2, Lover 2 Lille. Voici Dance Tonight, toujours Paul McCartney en lead. Oh. open up your heart. You know what I mean? With people who disallow, here's a way for you to get clean. No passport, and you don't need no visa. You don't need your designator to emigrate, boy, you can't see Jesus. You open up your heart. You open up your heart. See what I mean. Bring your head down to law. Or sing in our own. George Harrison avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth et à l'instant Waiting on You All. Maintenant c'est Ringo Starr qui va s'occuper de nous avec You're 16, You're Beautiful and You're Mine. C'est la saga des Fab Four. You come out like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful. Could not stop, you walked out of my dreams and into my car. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, take me to heaven, Clarence. Ah! limite pour chanter cette chanson-là à 80 ans. Maintenant, il pourrait faire comme il avait dit pour Photographe, What's My Name, Ringo. Il pourrait faire donc comme il avait dit pour Photographe, que ça n'ait plus le même sens, les paroles. Là, il pourrait dire que tu as 16 ans, tu es très belle et tu es à moi. Ça pourrait être sa petite fille, par exemple. Voilà. Tranquille. Je dis ça, je dis rien. Let them in, c'est Paul McCartney dans la saga des Fab Four. Somebody ringing the bell. Mais oui, il y avait un sax désaccordé à un moment donné. Ou alors c'était peut-être Yoko. Taxman, George Harrison dans la saga des Fab Four. De nous faire un au revoir, là, les Beatles. Ils sont partis derrière l'écran. Espérons qu'ils vont revenir parce que tout le monde, évidemment, fait les wow, wow, wow, wow. Et vous, ça vous a plu? Bah oui, c'est bientôt fini. Déjà. Ah, les voici qui reviennent. Je remets le micro vers la scène. Get back! Oh, must belong. c'était pas prévu. Mais du coup, on y repart, on y retourne. C'est Ringo qui a relancé. C'est la fin du show. Je voudrais vous remercier tous. Vous êtes un public absolument fabuleux. Évidemment, it's peace and love. Je vous aime tous et toutes. Et bref, voilà. Ils nous disent au revoir. C'est donc la fin du show. Terminé, vous pouvez vaquer à vos occupations, réécouter ce podcast plus tard. De toute façon, on se retrouvera la semaine suivante pour une autre aventure. Merci à vous toutes et tous. C'était Thierry Gallet en podcast depuis la maison. Bah oui. Et ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très très bientôt. Salut. Yeah.